Analyse du 5 décembre 2022, Thierry Pirlo. Le nouveau scandale du sang contaminé puissance 1000. J'attire tout d'abord votre attention sur le fait suivant. Les écrits de Sherpa contiennent plusieurs liens vidéo et articles qui sont mentionnés en descriptif de ce podcast pour une meilleure compréhension. Toutes les infos laissent entendre qu'à l'heure actuelle, la Croix-Rouge mondiale ne fait aucune différence entre les dons de sang des vaccinés et des non-vaccinés et ne tient donc aucun compte de la contamination au spike et autres composants inconnus des vax qui se retrouvent dans le sang des donneurs inconscients. Il y a fort à parier qu'ils connaissent déjà le problème, mais le business est plus important que votre santé. Actuellement, en cas de transfusion urgente, vous ne savez pas si le sang que vous recevez est contaminé ou non par des spikes et autres joyeusetés telles que Hydra vulgaris, Candida auris, graphène et nanotech. L'idéal serait donc de connaître une personne non vaccinée de son entourage, idéalement du même groupe Eresus, prête à faire don de son sang en cas de problème. Pour info, sachez que le groupe O négatif peut donner à tout le monde. Il est donneur universel. Le naturopathe suisse Georges Della Pietra a lancé un nouveau service de Safe Blood Donation pour fournir du sang propre de personnes non vaccinées aux patients nécessitant des transfusions. Ils sont déjà présents dans 18 pays. Vous trouverez en lien dans ce podcast le site de ce naturopathe. Pour ma part, afin de pallier le prochain plus grand scandale de sang contaminé de l'humanité et pour faire face à la stérilisation de masse à venir, je vais me créer une petite activité de pensionné pour aider la Croix-Rouge de Belgique dans ses bonnes œuvres avec Sherpa Blood and Sperm SA. Comme apparemment les gouvernements ont de l'argent gratuit pour acheter leur saleté transgénique à coups de milliards, ils en trouveront aussi pour inverser la vapeur. Ainsi donc, chaque début de mois, je ferai don de mon sang pur à la Croix-Rouge. 10 000 euros la pochette. Tous les 15 du mois, un don de plasma. 50 000 euros la pochette. Et deux fois par semaine, et en fonction de mon humeur, je ferai un don de sperme non transgénique à 100 000 euros la paillette. Quand on aime, on ne compte pas. Le tout hors TVA, c'est la moindre des choses. Quand on veut sauver l'humanité, on s'en donne les moyens et on mouille sa chemise. Mort de rire. Sherpa One.